sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important, mais pas plus important. De faire du bien au moins bien fort. J'aurais voulu partager mon pain avec ces gamins éthiopiens, somaliens. Pouvoir avoir le pouvoir de faire tomber une goutte d'eau dans ces déserts où des minots prient le dieu d'appui là-haut. J'aurais voulu faire en sorte qu'il n'ait plus de minots dit personnel. Aucun enfant sans buter pour des prunelles. Qu'aucun SDF ne dorme dans des caniveaux. Dans des stations de métro, j'avoue que c'est chaud. Fanatique de Che Guevara. Malgré tout, j'aurais voulu être un prophète, être censé sans conquête. Être mondialement reconnu pour avoir fait des actions positives. Être la pâle copie de Scarface. Négatif, non je veux du positif. Malgré que ma langue est trébuchée, j'assure que c'est un kiff. J'aurais voulu avoir le pouvoir de chasser des démons. Car beaucoup d'entre nous sont envoûtés par des espions. Sans raison, poussés par la jalousie. Malheureusement, ce n'était pas écrit. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu avoir autant de bonté que JC. Pouvoir pardonner ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont tabassé, les femmes qui m'ont trompé, ceux qui m'ont blessé, les auteurs des ragots non fondés. Avoir le pouvoir de guérir les bombes atteintes du sida, innocents, pouvoir tous les tenir dans mes bras. Pouvoir leur donner rien qu'un brin d'espoir, rien qu'un peu d'amour pour pas les laisser choir. Les sauver, retirer les blindés, ces enfants, ces gamins trop lésés, qui travaillent chaque jour, qui labourent pour des esclavagistes qui approvisionnent plus de clients courts, surenrichissent des milliardaires de multinationales. Adidas, il a plus encore Nike. J'aurais voulu que tout le monde peine dans une marée de fric, que plus personne ne saigne comme en Afrique. J'aurais voulu vivre comme le prophète Mohamed, aller me recueillir pendant 40 jours à la mer. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Mais pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ. Ne jamais faire de mal, mais le bien sur terre est comme le mal. Vivre c'est pour moi très important. Mais pas plus important que de faire du bien, au moins bien fort. J'aurais voulu vivre comme le prophète Mohamed. J'aurais voulu vivre comme Jésus-Christ.